La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 2e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cessé, livre, 7e, Les Dieux choisis. Chapitre 8. Pourquoi les adorateurs de Janus lui ont donné tantôt deux visages et tantôt quatre? Mais voyons un peu comment on explique cette statue à double face. On dit que Janus a deux visages, l'un devant, l'autre derrière, parce que notre bouche ouverte a quelque ressemblance avec la forme du monde, ce qui fait que les Grecs ont appelé le palais de la bouche Ouranos, ciel, comme aussi quelques poètes latins ont donné au ciel le nom de palais. Ce n'est pas tout, notre bouche ouverte a deux issues, l'une extérieure du côté des dents, l'autre intérieur vers le gosier. Et, voilà ce qu'on a fait du monde avec un mot grec ou poétique qui signifie palais. Note. Allusion à cette expression d'Ennius, le palais du ciel, rapporté par Cicéron, de la nature des dieux, livre 2, chapitre 18. On ne trouve nulle part, ni dans Plutarque, ni dans Macrobe, ni dans Servilius, aucune trace de cette étrange théorie du dieu Janus, que saint Augustin paraît emprunter à Varron. Fin de la note. Mais quel rapport y a-t-il entre tout cela et l'âme et la vie éternelle? Qu'on adore ce dieu seulement pour la salive qui entre ou sort sous le ciel du palais, je le veux bien. Mais quoi de plus absurde à des gens incapables de trouver dans le monde deux portes opposées l'une à l'autre et servant à y introduire les choses du dehors et à en rejeter celles du dedans, que de vouloir, de notre bouche et de notre gosier auquel le monde ne ressemble en rien, figurer le monde sous les traits de Janus, à cause du palais seul auquel Janus ne ressemble pas davantage? D'autre part, quand on lui donne quatre faces en le nommant double Janus, on veut y voir un emblème des quatre parties du monde, comme si le monde regardait quelque chose hors de soi ainsi que Janus regarde par ses quatre visages. Et puis, si Janus est le monde et si le monde a quatre parties, il s'ensuit que le Janus à deux faces est une fausse image, ou si elle est vraie en ce sens que l'Orient et l'Occident embrassent le monde entier, l'emblème ne laisse pas d'être faux à un autre point de vue, car en considérant les deux autres parties du monde, le septentrion et le midi, nous ne disons pas que le monde est double, comme on appelle double le Janus à quatre visages. Toujours est-il que si on a trouvé dans la bouche de l'homme une analogie avec le Janus à double visage, on ne saurait trouver dans le monde rien qui ressemble aux quatre portes figurées par les quatre visages de Janus. À moins que Neptune n'arrive au secours des interprètes, tenant à la main un poisson qui, outre la bouche et le gosier, nous présente à droite et à gauche la double ouverture de ses ouïes. Et cependant, avec toutes ces portes, il n'en est pas une seule par laquelle l'âme puisse échapper aux vaines superstitions, à moins qu'elle n'écoute la vérité, qui a dit « Je suis la porte ». Jean 10, 9. Chapitre 9. De la puissance de Jupiter, et de ce dieu comparé à Janus. Je voudrais encore savoir quel est ce Jovi qui nomme aussi Jupiter. C'est, disent-ils, le dieu de qui dépendent les causes de tout ce qui se fait dans le monde. Voilà une fonction admirable et dont Virgile exprime fort bien la grandeur dans ce vers célèbre, « Heureux qui a pu connaître les causes des choses. » Géorgique, livre 2. Mais d'où vient qu'on place Jupiter après Janus? Que le docte et pénétrant Varron nous réponde là-dessus. C'est, dit-il, que Janus gouverne le commencement des choses, et Jupiter leur accomplissement. Il est donc juste que Jupiter soit estimé le roi des dieux, car si l'accomplissement a la seconde place dans l'ordre du temps, il a la première dans l'ordre de l'importance. Cela serait vrai s'il s'agissait ici de distinguer dans les choses l'origine et le terme de leur développement. Ainsi, partir est l'origine d'une action, arriver en est le terme. L'étude est une action qui commence et qui se termine à la science. Or partout, en général, le commencement n'est le premier quand date et la perfection est dans la fin. C'est un procédé javidé entre Janus et Therme, mais les causes dont on donne le gouvernement à Jupiter sont des principes efficients et non des effets. Et il est impossible, même dans l'ordre du temps, que les effets et les commencements des effets soient avant les causes, car ce qui fait une chose est toujours antérieur à la chose qui est faite. Qu'importe donc que les commencements soient gouvernés par Janus? Ils n'en sont pas pour cela antérieurs aux causes efficientes gouvernées par Jupiter, car de même que rien n'arrive, rien aussi ne commence qui ne soit précédé d'une cause. Si donc c'est ce Dieu, arbitre de toutes les causes et de tout ce qui existe et arrive dans la nature, que l'on salue du nom de Jupiter et que l'on adore par tant d'opprobre et d'infamie, je dis qu'il y a là une impiété plus grande qu'à ne reconnaître aucun dieu. Ne serait-il pas, en effet, préférable d'appeler Jupiter quelque objet digne de ses adorations honteuses, quelque fantôme, par exemple, comme celui qu'on présenta, dit-on, à Saturne à la place de son enfant, plutôt que de se figurer un dieu tout à la fois tonnant et adultère, maître du monde et asservi à l'impudicité, disposant de toutes les causes des actions naturelles et ne sachant pas donner des causes légitimes à ses propres actions? Je demanderai ensuite, en supposant que Janus soit le monde, quel sera le rôle de Jupiter parmi les dieux? Varron n'a-t-il pas déclaré que les vrais dieux sont l'âme du monde et ses parties? Par conséquent, tout ce qui n'est pas cela n'est pas vraiment Dieu. Dira-t-on que Jupiter est l'âme du monde et que Janus en est le corps, c'est-à-dire qu'il est le monde visible? Mais à ce compte, Janus n'est pas vraiment Dieu, puisqu'il est accordé par nos adversaires que la divinité consiste, non dans le corps du monde, mais dans l'âme du monde et dans ses parties. Et c'est ce qui a fait dire nettement à Varron que Dieu, pour lui, n'est autre chose que l'âme du monde, et que si le monde lui-même est appelé Dieu, c'est au même sens où un homme est appelé sage à cause de son âme, bien qu'il soit composé d'une âme et d'un corps. Ainsi le monde, quoique formé d'une âme et d'un corps, doit à son âme seule d'être appelé Dieu. D'où il suit que le corps du monde, pris isolément, n'est pas Dieu. Il n'y a de divin que l'âme toute seule, ou la réunion de l'âme et du corps, de telle façon pourtant que dans cette réunion même, la divinité vienne de l'âme et non pas du corps. Si donc Janus est le monde, et si Janus est Dieu, comment Jupiter sera-t-il Dieu, à moins d'être une partie de Janus? Or, on a coutume, au contraire, d'attribuer l'univers entier à Jupiter, d'où vient ce mot du poète? Tout est plein de Jupiter. Virgile, églogue, 3,60. Si donc on veut que Jupiter soit Dieu, bien plus qu'il soit le roi des dieux, il faut nécessairement qu'il soit le monde, afin de pouvoir régner sur les autres dieux, c'est-à-dire sur ses propres parties. Voilà sans doute en quel sens Varron, dans cet autre ouvrage qu'il a composé sur le culte des dieux, rapporte les deux vers suivants de Valerius Oranus. Jupiter tout-puissant, père et mère des rois, des choses et des dieux, Dieu unique, embrassant tous les dieux. Varron explique en son traité que le mâle est ici le principe qui répand la semence, et la femelle celui qui la reçoit. Or, Jupiter étant le monde, toute semence vient de lui et rentre en lui. C'est pourquoi, ajoute Varron, Soranus appelle Jupiter père et mère, et fait de lui tout ensemble l'unité et le tout. Car le monde est un, et, c'est un, comprend tout. Note. Valerius, Valerius Soranus, de Sora, ville du Latium, est ce savant homme, dont parle Cicéron dans le dialogue sur les orateurs, livre 3, chapitre 2. Pline lui attribue dans l'histoire naturelle, un ouvrage intitulé Époptidon, les Époptides, dont sont peut-être tirés les deux vers que Cid Varron et Saint Augustin. Jupiter est également appelé mâle et femelle dans un vers orphique cité par l'auteur du Monde, Aristote, voir, le petit traité apocryphe du Monde. Extrait. Jupiter a été le premier, Jupiter est le dernier, et le maître du tonnerre. Jupiter est la tête, Jupiter est le milieu, c'est de Jupiter que vient l'univers. Jupiter est la base de la terre et du ciel aux astres brillants. Jupiter a été mâle, Jupiter a été aussi une nymphe immortelle. Jupiter est le souffle de tout, Jupiter est le jet de la flamme infatigable. Jupiter est la racine de la mer, Jupiter est le maître du monde tremblant sous la foudre qu'il lance. Après avoir créé tous les êtres, il les met dans une lumière éblouissante, qu'il tire de son cœur sacré, accomplissant les choses les plus merveilleuses. Chapitre 10. S'il était raisonnable de distinguer Janus de Jupiter. Si donc Janus est le monde, et si Jupiter l'est aussi, pourquoi, n'y ayant qu'un seul monde, Janus et Jupiter sont-ils deux dieux? Pourquoi ont-ils chacun son temple et ses autels, ses sacrifices et ses statues? Dira-t-on qu'autre chose est la vertu des commencements, autre chose celle des causes, et que c'est pour cela qu'on a nommé l'une Janus et l'autre Jupiter? Je demanderai à mon tour si parce qu'un homme est revêtu d'un double pouvoir ou parce qu'il exerce une double profession, on est autorisé à voir en lui deux magistrats ou deux artisans? Pourquoi donc d'un seul Dieu, qui gouverne les commencements et les causes, ferait-on deux dieux distincts, sous prétexte que les commencements et les causes sont deux choses distinctes? À ce compte, il faudrait dire aussi que Jupiter est à lui seul autant de dieux qu'on lui a donné de noms différents à cause de ses attributions différentes, puisque les objets qui sont l'origine de ces noms sont différents. Je vais en citer quelques exemples. Chapitre 11. Des divers surnoms de Jupiter, lesquels ne se rapportent pas à plusieurs dieux, mais à un seul. Jupiter a été appelé Victor, Invictus, Opitulus, Impulsor, Stator, Centipoda, Supinalis, Tigius, Almus, Ruminus, et autres surnoms qu'il serait trop long d'énumérer. Tous ces titres sont fondés sur la diversité des puissances d'un même dieu, et non sur la diversité de plusieurs dieux. On a nommé Jupiter Victor, parce qu'il est toujours vainqueur, Invictus, parce qu'il est invincible, Opitulus, parce qu'il est secourable aux faibles, Propulsor et Stator, Centipoda et Supinali, parce qu'il donne et arrête le mouvement, parce qu'il soutient et renverse tout, Tigius, qui signifie soliveau, parce qu'il est l'appui du monde, Almus, nourricier, parce qu'il nourrit les êtres, Ruminus, mamelle, parce qu'il allaite les animaux. De toutes ces fonctions, il est assez clair que les unes sont grandes, les autres mesquines, et cependant on les attribue au même Dieu. De plus, n'y a-t-il pas plus de rapport entre les causes et les commencements des choses, qu'entre soutenir le monde et donner la mamelle aux animaux? Et cependant on a voulu, pour les commencements et les causes, admettre deux dieux, Janus et Jupiter, en dépit de l'unité du monde, au lieu que pour deux fonctions bien différentes en importance et en dignité on s'est contenté du seul Jupiter, en l'appelant tour à tour Tigillus et Ruminus. Je pourrais ajouter qu'il eût été plus à propos de faire donner la même aile aux animaux par Junon que par Jupiter, du moment surtout qu'il y avait là une autre déesse, Rumina, toute prête à l'aider dans cet office. Mais on me répondrait que Junon elle-même n'est autre que Jupiter, comme cela résulte des vers de Valerius Soranus déjà cités. Jupiter tout-puissant, père et mère des rois, des choses et des dieux. Mais alors pourquoi l'appeler Ruminus, du moment, qu'à y regarder de près, il est aussi la déesse Rumina? Si, en effet, c'est une chose indigne de la majesté des dieux, comme nous l'avons montré plus haut, que pour un même épi de blé, un dieu soit chargé des nœuds du tuyau et un autre de l'enveloppe des grains. Combien n'est-il pas plus indigne encore qu'une fonction aussi misérable que l'allaitement des animaux soit partagée entre deux dieux, dont l'un est Jupiter même, le roi de tous les dieux, et qu'il la remplisse, non pas avec sa femme Junon, mais avec je ne sais quel absurde Rumina, à moins qu'ils ne soient tout ensemble Ruminu et Rumina, Ruminu pour les mâles et Rumina pour les femelles. Dirais-je qu'ils n'ont pas voulu donner à Jupiter un nom féminin, mais il est appelé père et mère dans les vers qu'on vient de lire, et d'ailleurs je rencontre sur la liste de ces noms celui d'une de ces petites déesses que nous avons mentionnées au quatrième livre, chapitre 21, la déesse Pécunia. Sur quoi je demande pour quel motif on n'a pas admis Pécunius avec Pécunia, comme on a fait Ruminus avec Rumina. Car enfin, mâle et femelle, tous les hommes regardaient l'argent. Chapitre 12. Jupiter est aussi appelé Pécunia. Mais quoi, ne faut-il pas admirer la raison ingénieuse qu'on donne de ce surnom, Jupiter, dit-on, s'appelle Pécunia, parce que tout est à lui. Oh la belle raison d'un nom divin! Et n'est-ce pas plutôt avilir et insulter celui à qui tout appartient que de le nommer Pécunia, car au prix de ce qu'enferme le ciel et la terre, que vaut la richesse des hommes? C'est l'avarice qui seule a donné ce nom à Jupiter, pour fournir à ceux qui aiment l'argent le prétexte d'aimer une divinité, et non pas quelque déesse obscure, mais le roi même des dieux. Il n'en serait pas de même si on l'appelait richesse. Car autre chose est la richesse, autre chose est l'argent. Nous appelons riches ceux qui sont sages, justes, gens de bien quoique n'ayant pas d'argent ou en ayant peu, car ils sont effectivement riches en vertus qui leur enseignent à se contenter de ce qu'ils ont, alors même qu'ils sont privés des commodités de la vie. Nous disons au contraire que les avares sont pauvres, parce que, si grand que soit leur trésor, comme ils en désirent toujours davantage, ils sont toujours dans l'indigence. Nous disons encore fort bien que le vrai Dieu est riche, non certes en argent, mais en toute puissance. Je sais que les hommes pécunieux sont aussi appelés riches, mais ils sont pauvres au-dedans, s'ils sont cupides. Je sais aussi qu'un homme sans argent est réputé pauvre, mais il est riche au-dedans, s'il est sage. Quel cas peut donc faire un homme sage d'une théologie qui donne au roi des dieux le nom d'une chose qu'aucun sage n'a jamais désirée? N'eût-il pas été plus simple, sans la radicale impuissance du paganisme à rien enseigner d'utile à la vie éternelle, de donner au souverain maître du monde le nom de sagesse plutôt que celui de Pécunia, car c'est l'amour de la sagesse qui purifie le cœur des souillures de l'avarice, c'est-à-dire de l'amour de l'argent. Chapitre 13. Saturne et Genius ne sont autres que Jupiter. Mais à quoi bon parler davantage de ce Jupiter ? À qui peut-être il convient de rapporter toutes les autres divinités? Et dès lors la pluralité des dieux ne subsiste plus, Du moment que Jupiter les comprend tous, soit qu'on les regarde comme ses parties ou ses puissances, soit qu'on donne à l'âme du monde partout répandu le nom de plusieurs dieux à cause des différentes parties de l'univers ou des différentes opérations de la nature. Qu'est-ce, en effet, que Saturne, c'est, dit Varron, un des principaux dieux, dont le pouvoir s'étend sur toutes les semences. Or, n'a-t-il pas expliqué tout à l'heure les vers de Valenus-Soranus en soutenant que Jupiter est le monde, qu'il répand hors de soi toutes les semences et les absorbe toutes en soi? Jupiter ne diffère donc pas du dieu dont le pouvoir s'étend sur toutes les semences. Qu'est-ce maintenant que Genius, un dieu, dit Varron, qui a autorité et pouvoir sur toute génération? Mais le dieu qui a ce pouvoir, qu'est-il autre chose que le monde, invoqué par Valerius sous le nom de Jupiter, père et mère de toutes choses? Et quand Varron soutient ailleurs que Genius est l'âme raisonnable de chaque homme, assurant d'autre part que c'est l'âme raisonnable du monde qui est Dieu, ne donne-t-il pas à entendre que l'âme du monde est une sorte de génie universel? C'est donc ce génie que l'on nomme Jupiter, car si vous entendez que tout génie soit un dieu et que l'âme de chaque homme soit un génie, il en résultera que l'âme de chaque homme sera un dieu. Conséquence tellement absurde que les païens eux-mêmes sont obligés de la rejeter, d'où il suit qu'il ne leur reste plus qu'à nommer proprement et par excellence Genius le dieu, qui est, suivant eux, l'âme du monde, c'est-à-dire Jupiter. Chapitre 14. Des fonctions de Mercure et de Mars. Quant à Mercure et à Mars, ne sachant comment les rapporter à aucune partie du monde ni à aucune opération divine sur les éléments, ils se sont contentés de les faire présider à quelques autres actions humaines et de leur donner puissance sur la parole et sur la guerre. Or, si le pouvoir de Mercure s'étend aussi sur la parole des dieux, il s'ensuit que le roi même des dieux lui est soumis, puisque Jupiter ne peut prendre la parole qu'avec le consentement de Mercure, ce qui est absurde. Dira-t-on qu'il n'est maître que du discours des hommes? Mais il est incroyable que Jupiter, qui a pu s'abaisser jusqu'à allaiter non seulement les enfants, mais encore les bêtes, d'où lui est venu le nom de Ruminus, n'ait pas voulu prendre soin de la parole, laquelle élève l'homme au-dessus des bêtes? Donc Mercure n'est autre que Jupiter. Que si l'on veut identifier Mercure avec la parole, comme font ceux qui dérivent Mercure de Médius Curins, parce que la parole court au milieu des hommes, et c'est pourquoi, selon eux, Mercure s'appelle en grec Hermès, parce que la parole ou l'interprétation de la pensée se dit Herménéa. Cette étymologie est une de celles que donne Platon dans le Cratyle. D'où vient encore que Mercure préside au commerce, où la parole sert de médiatrice entre les vendeurs et les acheteurs? Et si ce dieu a des ailes à la tête et aux pieds, c'est que la parole est un son qui s'envole. Et enfin le nom de messager qu'on lui donne vient de ce que la parole est la messagère de nos pensées, tout cela posé, que s'ensuit-il, sinon que Mercure, n'étant autre que le langage, n'est pas vraiment un dieu? Et voilà comment il arrive que les païens, en se faisant des dieux qui ne sont pas même des démons, et en adressant leurs supplications à des esprits immondes, sont sous l'empire, non des dieux, mais des démons. Même conclusion pour ce qui regarde Mars, dans l'impossibilité de lui assigner aucun élément, aucune partie du monde où il pût contribuer à quelque action de la nature, ils en ont fait le dieu de la guerre, laquelle est le triste ouvrage des hommes. D'où il résulte que si la déesse Félicité donnait aux hommes la paix perpétuelle, le dieu Mars n'aurait rien à faire. Veut-on dire que la guerre même fait la réalité de Mars comme la parole fait celle de Mercure? plus au ciel alors que la guerre ne fut pas plus réelle qu'une telle divinité. Chapitre 15. De quelques étoiles que les païens ont désignées par les noms de leurs dieux. On dira, peut-être que ces dieux ne sont autre chose que les étoiles auxquelles les païens ont donné leur nom, et, en effet, il y a une étoile qu'on appelle Mercure et une autre qu'on appelle Mars, mais il y en a une aussi qu'on appelle Jupiter, et cependant les païens soutiennent que Jupiter est le monde. Ce n'est pas tout, il y en a une qu'on appelle Saturne, et cependant Saturne est déjà pourvu d'une fonction considérable, celle de présider à toutes les semences. Il y en a une enfin, et la plus éclatante de toutes, qu'on appelle Vénus, et cependant on veut que Vénus soit aussi la Lune, bien qu'au surplus les païens ne tombent pas plus d'accord au sujet de cet astre que ne firent Vénus et Junon au sujet de la pomme d'or. Les uns, en effet, donnent l'étoile du matin à Vénus, les autres à Junon. Mais, ici comme toujours, c'est Vénus qui l'emporte, et presque toutes les voix sont en sa faveur. Or, qui ne rirait d'entendre appeler Jupiter le roi des dieux, quand on voit son étoile si pâle à côté de celle de Vénus? L'étoile de ce dieu souverain ne devrait-elle pas être d'autant plus brillante qu'il est lui-même plus puissant? On répond qu'elle paraît moins lumineuse parce qu'elle est plus haute et plus éloignée de la terre, mais si elle est plus haute parce qu'elle appartient à un plus grand dieu, pourquoi l'étoile de Saturne est-elle placée plus haut que Jupiter? Est-ce donc que le mensonge de la fable, qui a fait roi Jupiter, n'a pu monter jusqu'aux astres, et que Saturne a obtenu dans le ciel ce qu'il n'a pu obtenir ni dans son royaume ni dans le Capitole? Note. Il faut rappeler ici deux choses. D'abord, que, selon la mythologie païenne, Saturne fut chassé de son royaume de Crète par Jupiter, son fils, puis, que la colline du Capitole était consacrée à Saturne, avant de l'être à Jupiter. Fin de la note. Et puis, pourquoi Janus n'a-t-il pas son étoile? Est-ce parce qu'il est le monde et qu'à ce titre il embrasse toutes les étoiles? Mais Jupiter est le monde aussi, et cependant il y a une étoile qui porte son nom. Janus se serait-il arrangé de son mieux, et, au lieu d'une étoile qu'il devait avoir dans le ciel, se serait-il contenté d'avoir plusieurs visages sur la terre? Enfin, si c'est seulement à cause de leurs étoiles qu'on regarde Mercure et Mars comme des parties du monde, afin d'en pouvoir faire des dieux, le langage et la guerre n'étant point des parties du monde, mais des actes de l'humanité, pourquoi n'a-t-on pas dressé des temples et des autels aux béliers, aux taureaux, aux cancers, aux scorpions et autres signes célestes, lesquels ne sont pas composés d'une seule étoile, mais de plusieurs, et sont placés au plus haut des cieux avec des mouvements si justes et si réglés? Pourquoi ne pas les mettre, sinon au rang des dieux choisis, au moins parmi les dieux de l'ordre plébéen? Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.